Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Blacko. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée. Bonsoir, bienvenue Blacko, voilà. Comment va? Ça va très bien, toujours. Tout se passe bien? Toujours très bien. Ouais, on va présenter les invités dans un instant qui sont là avec toi. Il y aura encore titres extraits du Temps est compté. Ouais. Le EP digital qui est sorti lundi, qui fait un véritable carton pour Blacko. On découvrira des titres, il y aura le freestyle par téléphone 41 759. La roulette, inscrivez-vous aussi. Et puis on va se rappeler tout de suite, avant de débuter cette nouvelle soirée, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir avec Blacko. Planète Rap. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Il faut dire que c'est une histoire de famille. Hein. Voilà. Il a été plongé dedans par... Oh là. Peut-être qu'il faut interrompre. Interrompons les programmes. Interruption de programme spécial. Momo ne met pas. C'est le moment d'une surprise très spéciale. Rap. Alors voilà. Blacko, je te laisse quand même parce que bah, la surprise. On en a parlé en début de semaine. Tu disais, bah on se reparle un petit peu. Voilà, on échange en tout cas. Ouais, on s'est reparlé. Et, tu vois, j'ai fait 2-3 interviews à droite à gauche. Oui. Où j'ai dit, c'est pas impossible si on se reparle, on met les choses sur la table. Tu vois, nos couilles même sur la table et on crève nos abcès et trucs. Et je pense que donc on peut accueillir Monsieur Aketo, Monsieur Tunisiano, bonsoir. Et Monsieur Blacko, Sniper. Ah, punaise, ben, dis donc. Putain, ça faisait un moment hein, tous les trois. Hein. Kilucru.com en ce moment, c'est mon truc. Ah, ça fait chelou. C'est vrai? Ouais. Ça fait chelou, hein, mais ça fait du bien. Ah, chelou bien, mais ça fait bizarre. Voilà, c'est comme ça. Cette surprise, elle en contient une deuxième. Ouais. Je la dis maintenant ou... Ah bah, on peut y aller. La deuxième aller. Surprise, c'est voilà, parce que je reçois beaucoup de messages. Oui, dans ton album, Blacko, est-ce que... Eh ben, est-ce que, ouais, bah, on va leur poser la question même, tonton. Oui. Il a déjà dit oui. Est-ce que petit posage dans l'album de. Ouais, avec plaisir. Voilà. Ce serait pas mal de refaire un bon petit morceau. Voilà, voilà. Ça commence à dater en plus. Là. Comme l'oiseau de feu, on renaît de nos cendres. Ça va être encore mieux, je crois. Et puis après, peut-être par la suite, c'est ça. On pourra imaginer un album ensemble, le retour de Sniper, une tournée, doucement, tranquillement. Non. Si tu jettes ce piano, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde ce soir? C'était hier soir. En direct sur Skyrock. On est arrivé les mains dans les poches. À l'époque, c'était enfin le beat. On fait le truc à la rage. Et laisse parler la rage. Moi et mes sauces, on vient graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Depuis, le place a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite. Je sais que j'en suis. Oui, je suis en Suisse. J'élève mon fils. J'ai pas fait le fisc. Prépare mon disque solo. Estampillé, front, kick. En sous-marin, je travaille. Si je suis sorti de mon trou, parvenir à Sky, c'est juste pour voir se reformer le groupe. J'ai fait entre nous. Qui nous ont connus et soutenus avant que les autres. C'est pour les pères de famille, les charbonniers quoi qu'il en coûte. Les histoires de rappeurs, que tu veux que ça nous foute. Je donne ça comme à l'ancienne, après une grosse parenthèse. Fuck les top le week-end, je suis bien chez moi en Charentaise. Si je me suis déplacé, c'est pour que tu saches qu'on peut pas m'effacer. Allez. Comme un tag à l'acide ou comme ton blaze. Gravé à la bougie sur les vides du RER. Tout le monde c'est l'hiver. Et approche, écoute, hoche la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches. Sorti de nulle part. C'était écrit, c'est pas un hasard. Un journal de l'astronome. On lâche pas, on s'accroche. Du but, on se rapproche. Sous disque ou sous le porche, c'est gravé dans la roche. Maintenant, c'est les mêmes. On retranscrit la vie qu'on mène. Gravé dans la roche. Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé. Je suis toujours le même enfoiré. Je retourne pas ma CV. Je garde mes principes et mes points d'attache. Je kiffe pas la célébrité. Je ramasse juste mon cas. Faut mes points de repère. Sinon, je suis du père. L'ami, fallait go les cons. C'est fait faire. L'aventure continue et continuera. Inch'Allah. Et approche, écoute, hoche la tête si t'accroches. Pire, famille et nos proches, c'est. Manon, reste mis derrière. Alors. C'est pas ça. Un jour, on te placera. On lâche pas, on s'accroche. Du but, on se rapproche. Son disque sous le porche. Manon, reste les mêmes. On retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est. J'ai presque arrêté le chambre. Fini de rapper dans ma chambre, tu sais. Tout a changé depuis le 11 septembre. Mais pour le reste, c'est idem. Du kiff-kiff au final. T'as reconnu la voix que t'aimes. La même signature banque. Et chaque à l'arrache. Du hip-hop sans complexe. Tellement gravé dans la roche. J'allume mes clopes aussi. Et riche, pas encore. Toujours le même problème de flou. Cette maladie incurable. Je soigne pas de douze. Et m'appelle. Y'a pire. Bâche, tu as la tâche. Respire. la vie est belle, ça s'écrit pas. Toujours le même salaud, dégueulasse, efficace, rapace qui joue le beau. Alias Tunisiano. Son rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Voilà pour ce replay, quel kiff, franchement. Merci une fois de plus à Keto, à Tunisiano, et à toi, Blacko. Eh ben merci, t'as vu, c'était la grande surprise. Ah, c'était. Ça a plu à tout le monde. Un moment magique, un moment d'émotion hier soir. Et voilà, j'en suis pas remis encore. Moi non plus. Et c'est que le début. Je tenais quand même à dire quelque chose. Ah, et Rice, qu'on n'a pas salué, qui est là. Ah, il a entendu un truc. Non, je tenais à dire qu'aujourd'hui, on est jeudi. Ah. Et moi, c'est l'anniversaire d'une personne sur ma droite. Oh non. Et je pense qu'il faut entonner un joyeux anniversaire. Exactement. C'est toi qui donne le ton ou pas? Voilà, on y va tous. L'ancienneté qui arrive. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Blacko. Oh, le gâteau de fou. Les bougies, ma gueule. Et voilà. Eh bien, joyeux anniversaire à Blacko. Voilà. Qui fêtera ça aussi dans quelques minutes sur scène du côté de Marseille. Voilà. Exactement. Il a le don d'ubiquité. D'ubiquité. On est vif. Le don de se dédoubler. Voilà. Et il sera à Marseille dans quelques minutes sur la scène de Marseille avant de retrouver tout le monde demain soir. Ouais. Et bah, bon anniversaire, Blacko. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux? De vieillir bien. Voilà, bah, pour l'instant, en tout cas, physiquement. Ouais, ça tu va. Tu lui fileras le secret. Enfin, ça va. Des fois, on le sent un peu dans les rotules, dans les. Ah non, mais vraiment, tu le sens? Bah ouais, la dernière fois, je suis parti en club avec Rise, ça faisait des plombes et des plombes. Tu vois, Rise, tu me mets toujours dans les trucs. Ouais, non, mais ouais, c'était. Genre, bah... En plus, dans les clubs, Rise, c'est pas ton genre. Tu vois, on s'est laissé, on est avec le cousin et tout, on danse. Voilà, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bah, tu ressors de la boîte, tu sens ta rotule être dit. T'as vu, c'est plus comme avant. D'ailleurs, est-ce que pour la tournée, t'as repris un entraînement particulier ou... En fait, je me suis mis au sport il y a 2 ans, un peu de muscu, un peu de cardio. Ceux qui n'ont pas compris qu'il a pris 20 kilos. Ouais, mais là ça m'a fait sécher de travailler un peu. Exactement. Mais... Que ouais, du muscle. Je fais beau, ouais, j'aime bien un peu, tu vois. Sport. Bon, bah écoute, on te souhaite plein de bonnes choses en tout cas pour cette nouvelle année. Ben, merci. Pour ton anniversaire, Dieu, Blacko. Verra bien, ça se passe bien. Le plus beau des cadeaux, c'est que les gens sont là. Voilà, te supportent. Là, c'est le EP, mon cadeau et tout. Je suis content. Dans les bacs. Et les gens qui sont là, qui le supportent voilà. À fond. Voilà. Qui sont derrière toi, Blacko. C'est ça qui donne la force et qui permet d'avancer dans ce truc, quoi. Donc, soirée anniversaire, ce soir, il y a Rise, il y a d'autres gens qui vont passer. Il y a. Quel est le programme ce soir? Il y a toujours Jazzy Fizou qui est dans le coin. Si, on est là. Voilà. Salut à tous. Bah, il faut. Voilà. Souvent, on va l'entendre souvent. Hein. Ouais, je suis là. Vous pensez pas que ça fait un peu trop Jazzy, là? Ça commence à suffire. Et on écoutera sans doute un de ses titres. Ouais. Voilà. Ouais, pour faire découvrir un petit peu. Autre producteur, il y a Charisma qui est là. Ouais, il est là aussi. Il fait pas de bruit, celui-là, mais crois-moi. Dès qu'il dit. T'as pas comme son? Dès qu'il dit un son, c'est un gros hit comme cartonné. Non, on veut plus demander, t'as rien fait. On rappelle fait. Qu'il a fait le morceau de Déconnecté l'an dernier, l'été dernier. Exactement. C'est lui qui nous a fait danser, exactement. Lui qui nous a ambiancé voilà. Pendant. Carole. Et crois-moi que. Pendant longtemps. Et crois-moi que. C'est que le début. Il va pas se déconnecter tout de suite, celui-là. Et on peut d'ailleurs saluer aussi toute l'équipe, hein, que ce soit DJ Amis. Dockless, Kaina, Curtis Records aussi. Voilà, et Rika, soir, ainsi que l'artiste. On a du monde, on a du on a Cool, on a Sofiane, mon vrai gars. Oulala. Il y a du monde, hein. Blastar, il y a du monde. Blastar, Fedia. Je crois qu'il est grand temps d'attaquer avec un morceau. Rock G. Allez, on y va, on va le temps est compté. Allez, le temps est compté. Tiens, c'est pour ton anniversaire. Voilà. Le temps est compté. Ah ouais, 36 ans, que tu veux que je dise de mieux? Donne une part de gâteau. Yeah, yeah. Le temps est compté, Skyrock, oh, oh, rah, yeah, real. Hey. Seul l'amour me porte chaque jour, il me donne envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant. Oui je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant. Faire semblant de sourire quand le cœur n'y est pas. Oh non, je peux non. Pas faire semblant. Faire semblant. Jouer un rôle ça ne m'intéresse pas. Real. Je continuerai de chanter au effort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. What? Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain, ça ira mieux. Si Dieu veut demain, j'aurai moi mal. Seul amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Ils où j'aimerais. la vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter, alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant d'être heureux quand je ne le suis pas. Ah non, je peux pas faire semblant, faire semblant. De toute façon le regard ne trompe pas. Pourquoi se mentir à soi-même, moi je ne peux faire semblant d'aimer. Des fois mon grand problème, c'est pas toujours trouver les bons mots pour parler. Je suis rêveur mais je garde l'esprit en éveil. Chaque jour j'essaie d'être meilleur que la veille. Ce n'est pas chose facile mais bon quand même j'essaie. Je garde la foi, je suis un enfant du soleil. Seul l'amour me porte chaque jour. Ils me donnent envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Qui nous j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je continuerai de chanter au fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain ça ira mieux. Si Dieu veut demain j'aurai moins mal. Seul l'amour me porte chaque jour. Every day. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai des amis qui m'entourent. Sky up. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Le temps est compté avec Blacko, et c'est et aussi voilà. Le nom de ce EP digital qu'on trouve depuis mon lundi. Petit cadeau d'anniversaire du sur jour. Toutes les plateformes de téléchargement légal, ouais, c'est voilà. Le cadeau d'anniversaire de Blacko. Voilà. Voilà. Avec. Et je suis content de le partager avec tout le monde. Mmh. Voilà. Et bah écoute, on te souhaite encore du bonheur, ouais. Au moins 36 ans de carrière derrière. Si Dieu veut. On ne sait pas ce qui nous attend devant, mais voilà. Je suis déjà content de tout ce que j'ai traversé jusque là. C'était voilà un rêve de gosse et je le continue encore aujourd'hui, même s'il y a des poils blancs qui se pointent comme ça. Non, on est content. Tu penses, il y a un moment, t'as pensé aussi à arrêter à décrocher ou faire d'autres choses? Bah ouais, parce que quand t'es tout seul, t'as pas d'enfant. Tu te dis, bon, vas-y, un autre album, un autre truc, un autre mixtape, un autre. Mais c'est un fil en vrai, être artiste, c'est un câble dans le vide. Mais quand tu mets ta famille dessus, ça, c'est moins marrant. Ouais, c'est... Vous inquiétez pas, suivez papa, ça va. Tout va bien se passer. Ouais, c'est flippant. Donc beaucoup, ouais, beaucoup de périodes de doute, forcément. Ouais. Bah ouais, beaucoup. J'ai même vraiment failli, ouais, j'arrête, trouver un taf, faire mon truc et. Faire ma musique par passion sur le côté, tu vois. Je sais pas arrêter la musique, je peux pas l'arrêter la musique. Si je l'arrête, il y a une partie de moi qui s'éteint. Donc c'est pas mais c'est vrai qu'en plus, ouais, comme tu le disais, trois enfants, donc faut aussi penser à eux. Donc tu peux pas être que dans le côté, pour le coup, artiste, égocentrique. Non, ça y est, j'ai compris. Que même les sons que j'ai kiffés jeunes, des trucs un peu plus virulents, trucs, bah, quand c'est voiture et il y a siège bébé, je peux plus les écouter. C'est là que ça devient. Mais pourquoi je peux plus les écouter? Là, le temps est compté, tu peux le mettre tranquille. Mais avec ma grand-mère, je peux l'écouter, le temps est compté, avec ma petite fille et ma grand-mère. Mmh. Voilà, avec ma grand-mère. Un morceau familial. Voilà, c'est humain avant tout, tu vois, c'est. Voilà. Mais il y a d'autres que bah, tu les passes, en fait. Moi, j'essaye de faire passer un petit message et après, voilà, j'espère qu'il est perçu, tu vois. C'est chacun emmène ce qu'il veut, son état d'esprit, tu vois. Si on a, il se réveille le matin avec l'envie de tirer sur tout le monde tous les jours. C'est le choix de chacun. Tu vois, moi, c'est donner l'espoir, chanter le love. Et voilà quoi. Bon, en tout cas, ton espoir est un peu mieux, je pense. C'est mieux de se réveiller avec beaucoup d'espoir et, ben et beaucoup si d'amour, donner de l'amour qu'autre chose. Si je me lève et que j'ai envie de tirer devant mes enfants, ils vont dire papa, il est bizarre quand même ce matin. Ah ouais, papa, il va pas bien. Il a déjeuné, mais il est bizarre. Il n'est pas en forme, papa. Faut montrer que même si ça va pas, ça va, papa. Mmh. Ouais, ça va. La forme. C'est ça, la vie. Mmh. Ça, c'était bien. Mais c'est vrai que ça a été sur cette période voilà, de transition avant. Ouais. De, même si tu étais toujours dans la musique, hein, puisque tu as continué à jouer. J'étais dans mon reggae avec dans ton reggae. Mon album Enfant du Soleil, qui devait sortir dans les bacs, mais il y a eu des bric-à-brac juridiques qui ont fait que bah, je me suis retrouvé à le lancer sur Internet gratuitement, juste pour que mon oiseau soit entendu, quoi, qu'il puisse chanter, tu vois. Et on a eu des bons retours, on a fait beaucoup de concerts, beaucoup de trucs, tu vois, et j'étais content. Et c'est pas fini non plus pour le reggae, peut-être qu'il y aura aussi un album entièrement reggae dans les années à venir. Le temps est compté, il suffit juste de prendre une guitare et mettre des skanks, ça devient du reggae, hein, en gardant la même mélodie de chant. C'est juste l'instru. Mes instrus sont plus rappeuses aujourd'hui, si vous voulez, tu vois. Mais mon fond et ma forme, c'est toujours l'école reggae et l'école rap mélangée. Ouais, et puis ça veut pas dire aussi que voilà, il y aura d'autres albums par la suite. Parce qu'il y a des gens qui demandent si un jour tu feras un album totalement 100% reggae, pourquoi pas. Bah là, j'ai 36 ans, je vois ça à mes 40 ans. pas de me dire je fais ce que j'ai à faire pendant que j'ai une pseudo jeunesse, tu vois, ce qui reste quoi. Et après ouais, me remettre dans le reggae, tu vois. M'installe à La Réunion si Dieu veut et faire mon reggae quoi après. Bah écoute, on te souhaite, mon kiff, ça. On te souhaite pour les prochaines années. Merci, on verra où tu fêteras tes prochains anniversaires. Blacko, on verra bien. En tout cas, ce soir, t'es là. Avant de partir sur scène aussi, parce que ça aussi, il y a la scène qui est importante. Ouais, voilà. Ouais, c'est le tribunal, j'appelle ça. C'est on partage et on peut pas te brider. Tu parles avec ton public, tu peux le faire réagir et tout. C'est violent. C'était des choses compliquées à apprendre justement la scène quand t'as commencé, toi, ou c'est venu assez naturellement En fait, j'ai fait de la scène déjà dans ma classe, tu vois, à l'école. Au fond de la classe, j'étais déjà sur scène. Ça m'a valu des portes, des convocations avec les parents, avec tout le monde. Des heures de colle à n'en plus compter, mais voilà. Non, ça me fait pas peur, la scène, j'aime bien. C'est là où tu partages et où tu vois si le public ressent le truc que tu veux emmener, quoi. Donc c'est bien. Bah allez voir Blacko près de chez vous. Ce soir c'est du côté de Marseille. Demain il y a Toulon, il y aura Montpellier le 7 février, 20 février Lyon, Bordeaux, Grenoble, Rennes. La boule noire c'est blindé, hein, déjà le 19 mars. Ouais, on va essayer de faire une deuxième date. Je sais pas si je dis une connerie ou pas. La prod, y a plus personne. Ouais, Drixé, ils sont tous partis. On peut dire tout ce qu'on veut. Tu peux dire ce que tu veux. Non, ouais, je crois qu'il y a une deuxième, peut-être une troisième et une quatrième, mais bon, ça c'est. Et on en tourne toute la France. Il y a que deux. Suivez les réseaux sociaux de Blacko justement. Voilà, ça sera annoncé de toute façon. Il y a Toulon, Montpellier, Lyon, Bordeaux. Et on me dit dans l'oreillette que normalement, oui, c'est bon pour la deuxième date. Ah, ils sont là, dans l'ombre. Ils sont planqués, ils sont dans le carré VIP. Oui, ils sont là. Ou Drixé. Gros big up à Drixé d'ailleurs. Deuxième date boule noire, donc Drixé, voilà. gros big up à Drixé ce soir. Ouais. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux. Gros même. Ouais, big up à Drixé. L'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, mais lui. L'homme des clés, l'homme de la situation. C'est le père à tout le monde ici, là. Ah ouais. Tu vas là-bas, après tout, fais ça, après tout. T'es sûr, Drixé? Il doit être épuisé en fin de journée. Gros big up. Ah oui, c'est le meilleur. Bon, balance quoi comme morceau, messieurs. Et l'écoute aussi. Voilà. Qu'on balance comme morceau. Un petit morceau d'anniversaire, Blacko. Un petit morceau d'anniversaire. Ouais. Et un saut. Qui correspondrait là, moi je vais être encore dans. Ouais, donc je vais être encore dans accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves, très bien. Voilà, j'ai trop. Parce que comme tout le monde, j'ai un but. Parfait. Pareil. Allons-y, accroché à mes rêves, extrait du EP de Blacko. Rise. Comme tout le monde, j'ai un but, comme tout le monde, j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre. Si j'ai une bonne étoile, alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir, faut en bader. Le chemin est long et souvent rempli de doutes. J'aurais tout essayé, mais d'ici là, je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction. C'est dit n'est pas mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Yeah. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser. Il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif. Que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves c'est exister. Avec le sourire aux lèvres faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser. Pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit aussi. J'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Je me remets en question et je relativise. Et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises, voilà. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant. Je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça remballe. Les amis, de motivation, grandir mes rêves et nourrir mes ambitions. Oui, c'est vrai. Faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux. yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui, je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettrai tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Soit Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. À l'instant, accroché à mes rêves. Voilà, toujours accroché. C'est extrait du EP. Restez accroché à vos rêves, quoi qu'il se passe, malgré les galères, les difficultés, les pentes à remonter. Restez accroché. Et puis allez mater le clip aussi, les images, les images de la Réunion. Ouais, un peu de verdure, il y a un beaucoup de le clip disponible sur, sur sa page YouTube exprès. Ouais, vous allez Blaco officiel, YouTube. Il connaît le Raizé. Il se déclenche. Et... Non, mais ah ouais, il part d'un seul coup en fait. Ouais, là... faut dire des vraies choses, que c'est sur iTunes et pas dans les bacs comme l'autre qui a menti tout à l'heure. Non, non. Qu'est-ce qu'il disait qu'est-ce là-bas qu'il a dit ça? Quelqu'un dans le couloir t'a dit ça en fait, qui avait acheté. Ce sont les rumeurs d'escalier. C'est ça, c'est en fait c'est dans les couloirs que t'entends. Exactement, dans les couloirs. J'ai vu quelqu'un arriver avec la pochette, il dit ah tiens j'ai acheté le Blaco. Voilà, alors que c'est faux. Alors c'est faux. CD, c'est pas possible. Si tu l'as, on te l'a donné. Voilà. Puisqu'il n'existe pas. En ouais, il est que voilà. En CD promotionnel en fait, c'est pour les exactement. Donc ceux qui l'ont ici, comme moi, sont des privilégiés. Des privilégiés. Exactement. Après, on peut se démerder pour en faire gagner quelques-uns avec un jeu à suivre plus tard. Bah, pourquoi pas d'ici demain, parce qu'il ne reste qu'une seule soirée. Donc, qu'est-ce qu'on pense Ils sont encore barrés, le staff. Non, tout le monde est là, tout le monde est dans le carré vieille pied en face. Tout le monde mange. Non, il est tout seul. Il n'y a personne. Ah, il n'y a plus personne. C'est fini. Alors, ah non, je crois qu'ils sont en train de discuter en fait. Ça parle sérieusement sur des dates, sur des. Ouais, ah, des trucs sérieux. Des trucs très sérieux. Okay. Dans un instant, on sera un peu moins sérieux. On reviendra, bougez pas. Le retour de Planète Rap avec Blaco. On mettra encore un morceau du live Blaco ce soir ou pour ton anniversaire. J'avais envie de faire un live, mais quand on a écouté Accroché à mes rêves, je voulais le faire en live, mais. Bah, c'est pas grave. Bah, allons-y. Alors. Si tu me dis c'est pas grave, c'est bien. Il est bon ce morceau, on peut même l'entendre 2-3 fois de suite. Tout à l'heure. Bah, on se le fait en live, tranquille. Ce sera tout à l'heure, ne bougez pas, on revient juste après ça avec Blaco. Let's go. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Hey yo, let's go. Elle est devenue l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, Planet Rap. Avec Blaco sur Skyrock. C'est le Planète Rap avec Blaco, notre invité. Le P digital est toujours digitalement dans les bacs sur toutes les le temps est compté. Plateformes de téléchargement légal. Oh ouais. Et Rise est parti au platine. Alors quel morceau on met maintenant? Alors, c'est pas un morceau de ton. C'est pas de moi, c'est pas de mon EP. C'est l'artiste qui est là depuis le début de la semaine, Jazzy Fizou. Un artiste qu'on suit de près. Donc qui est producteur. Ouais. Mais pas seulement. Il est compositeur. Il trouve auteur, interprète. Voilà. Il trouve des mélos de fou. Ouais, les mélodistes pour pas mal d'artistes aussi. Il est très dangereux. C'est un couteau. Il n'est pas suisse, mais c'est un couteau. Comme un couteau. Donc, alors, Jazzy, le morceau qu'on va écouter maintenant. Alors, le morceau, c'est Magique. Bon, c'est pas les derniers trucs qu'il a fait, mais au moins, c'est le projet qui est dans les bacs. Voilà. Si les gens, ils veulent aller le voir. C'est sur sa chaîne YouTube, Jazzy Fizou, officiel. Voilà. Voilà, exactement. Vous avez sa chaîne YouTube Magique. Et vous écoutez. Et là, il est très bon pour tout savoir, en fait. C'est sur les Roland, les le mec, les chaînes YouTube, Quand tu m'appelles le roi, pourquoi? C'est parce que je fais des relances. Je fais que des relances. C'est vrai que tu es l'homme des relances. Exactement. Ma vie est une relance. Alors, Jazzy, juste quand même un petit mot sur ce morceau. Ça, c'est un morceau qu'on peut en effet retrouver sur. Retrouver sur ma mixtape Jazzy Rich en volume 1. Que j'ai fait il y a déjà quelques mois et que c'est sur ma chaîne YouTube. Donc quoi, t'as fait le son aussi de ce morceau? Non, ça c'est Raizé qui a fait la prod de ce son là mais sinon j'ai fait pas mal de sons dans ce projet là parce que je fais tout moi-même. Et voilà, on y va maintenant, on va découvrir donc Jazzy. Et représente surtout Salon Nord. C'est quelqu'un de Salon Nord, la banlieue de Marseille pour ceux qui connaissent pas. Marseille, il n'y a pas que Marseille même, 13300, tu vois, la banlieue marseillaise. On arrive bientôt, bang, et merci Blaco, bang. Flexible que tu parles. Et si je fuis au Brésil, est-ce qu'ils veulent m'enfermer, peur que je parle? Ils se trompent sur moi. Je ne suis pas celui qu'ils disent. Je les emmerde, je présente ma zone. Salon Nord, franchement, fallait que tu saches. Boum, boum, me lève tous les jours à midi, comme si c'était 8h. Parce que je taffe toute la nuit, je passe pas ma vie sur Twitter. 4 jours que je mange au grec, je fume de l'amnésia. Pas que ceux qui s'acharnent à la salle pour aller gonfler ses pecs. Mais du piment et d'Arissa, c'est en montant l'un des mecs, demande à Sarah Raïssa. Qu'un autre c'est Inelon, les Bressons et la Monade. Minère, je baisse des meufs majeurs parce que je fais pas mon âge. À la cité, jamais tout seul. Au charbon, ça frappe 12h. Y'a du shit et de la pute, j'en casse 50, c'est de la douceur. Jack Red Bull à la lune, j'envoie un petit en scooter. On rêvait d'être patron, mais nous proposer son d'heure. J'deal, ma zig, fais un gros dos flex, ils veulent que tu parles. Et si je fuis au Brésil, parce qu'ils veulent m'enfermer, peur que je parle. Ils se trompent sur moi. Je ne suis pas celui qui dise, je les emmerde, je représente ma zone. 13 300 salon nord. Les que veulent mettre des coups de matraque, Pélex si on t'attrape. Père de Versace, ça part en bagarre pour une tâche. Bang, ça avance en Rolex pour une trace. C'est toute ma vie qui doit à mon poste si tu veux clash. Je vois Youssef, je vois Kevin, à cause des temps. KURS, on est black. Bang, pour nos bouteilles, bang, la bite. Plus blanche après nuit, blanche, on ressemble à des zombies. Jazzy a fait le tour des quartiers et de toutes les villes. Je fais ma place dans le milieu, je vise des chèques, ça sème de 500 000. Je rappe sur une autre planète, je suis à des milieux. Le nouveau Jazzy, ouais, je remets le. Yeah. Style, ma zig, fais un gros dos flic, s'ils veulent que tu parles. Et si je fuis au Brésil, parce qu'ils veulent m'enfermer, peur que je parle. Ils se trompent sur moi. Je ne suis pas celui qui dise, je les emmerde, je représente ma zone. Salon d'or, 13 300, fallait que tu le saches. Ok, ok, je les ai pas assez choqués. Chez moi, les poucas vont leur faire le sourire du joker. C'est trop vite, pick pocket, votre 20 tiers, c'est joqué. Gros poulet d'allemand acheté avec le poker. On veut la villa de rêve, mais pour le moment, c'est HLM, flic, shit, tes armes. On a forcément fini, mauvais élève. Le prof avait plus de soucis que nous en classe. Pour les potos en détention, à qui on porte pas d'attention. Malik, quand tu sors, une chaleur, sont gênés en rotation. Ice Mood sur le casson, je rappe en direct du balcon. 2014, je vais les quêter sans leur autorisation. Mazik, salon d'or, Jazzy Fizou. Tu parles, et si je allez, follow sur Twitter, Instagram, YouTube, Jazzy Fizou, YouTube, partout. Dans les le boss. Bang, Jazzy. Cortez. Quoi? 1-2-1-2, Cortez. Salon d'or, Cortez. Bah ouais. Blaco. Alright. Les mecs qui mettent les vraies forces. La vraie. Salon Nord, Jazzy Fizou. Bang. 1-3. On est là. Et 1-3-3-0. Bang. Alright. À l'instant, donc, le morceau, le fameux morceau. Un peu de soleil marseillais qui est arrivé. Un peu de soleil, ouais. Dans ce coin parisien, là, ça fait du bien. Ça fait grave du bien. C'est frais, c'est nouveau. Et ce morceau, tout de suite, là. Qu'on peut retrouver, donc, qui s'appelle Magique. Donc, on peut retrouver dans Jazzy Rich Camp, volume 1. Voilà, c'est ma mixtape que allez me suivre sur sur Facebook, Twitter, Instagram, Jazzy Fizou, DJAZIFIZOU. Et puis quelle classe, je trouve, quand même, de rendre hommage à Paris, au PSG, grave, avec ce titre. Paris Magique, évidemment. Exactement. Celui-là, il fait chier. Merci. Merci. De la part d'un Marseillais. C'est bon. Parce que Paris m'accueille bien, donc je. Ok. Ça va. Bah, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Bon, avec Blacko, avec. Mais ils sont pas premiers. Allez, à part ça. Méfie-toi, mon ami. Méfie-toi. Attention. Fais gaffe, poteau. Ensemble, les frères. Ouais. Bon, revenons sur la musique et le son de Blacko dans un instant. On passera quel titre, Blacko, avant de passer au live, justement. Tu veux le temps de réfléchir ou tu veux réfléchir encore un petit peu? Préviens-les, on l'a pas mis, je crois, depuis. Eh bah, préviens-les, très bien, ça arrive dans un instant. Juste avant, tiens, j'espère que ça va te faire plaisir. On est avec Roms du 974. Ah, bah, c'est bon ça. Roms. Comment il est? Ah, bah, il est là, tranquille, hein. Il est drôle, hein. Ça va bien, Roms? Ah, ça va, tranquille, on est là. T'es pas à La Réunion, là? T'es de La Réunion, mais t'es en métropole? Ah, où les commandes, là, un zéréole coincé dans le béton? C'est bien sûr. Ah, voilà. Les gars là quittent La Réunion pour faire son études en France. Mais La Réunion est là dans le cœur, donc il bouge pas, quoi. Ben ouais, sympa. Ça tout va bien pour toi, Roms? Oui. Ouais, ça va bien, hein. C'est un peu froid, mais on est là, t'inquiète. Ah bah, je vois Blacko chaque jour arriver, ouais, je comprends. Ouais, c'est dur. Ah ouais, c'est clair. Toi, t'es arrivé quand, toi, t'es de La Réunion? T'es arrivé de La Réunion ou tu vis ici en métropole? Non, là, comme Blacko, d'ailleurs. Non, moi, je viens directement de La Réunion. Je suis venu faire mes études il y a 2 ans de ça. Mmh. Et puis, voilà, c'est son petit bout de chemin ici en métropole. Et puis après, on espère, on va revenir là-bas. Hein. Ouais, tu vois, ce qui est dur, c'est que tu vois, beaucoup de Réunionnais, quand ils viennent ici, disent en espérant. C'est une espèce de piège, en vrai. On te fait faire des études, on te promet des trucs, mais après, pour revenir. c'est presque une galère. T'aimerais faire quoi, toi, Roms, justement, si tu retournes à La Réunion? T'aimerais bosser dans quoi? Moi, je bossais dans le transport, tout ce qui est transport en commun, etc., transport de voyageurs. Donc voilà, là-bas, c'est pas assez développé, donc tu sais, peut-être à mon retour, on va aller changer les choses. Eh voilà. Bah écoute, ou prends l'expérience et on ramène tes là-bas. Bien sûr. Ouais, toi, t'arrives à Paris, tu t'appelles Roms aussi. Attends. Ah. Aide-nous aussi, aide-nous. Non, je regarde. Elle était pas nécessaire, Erai. Je suis en bas fille. Elle est en bas là. C'est ça, en fait. Le mec est en sniper dans le fond, il est en sniper. Bah, pardon. Non. Tiens, mais attends, en parlant de ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est des pas mal. Des pas fois, mal. Des fois, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Ouais, des bonnes choses. Roms, tu es prêt? Bah, ouais, toujours. Allez, on y va, session freestyle par téléphone, c'est parti. Yeah. 1. 9-7-4, La Réunion. Yeah. 1. Rappeur artiste, poète négro. On est là. Yeah. Parce que tout ce que t'entends sort de ma tête. Check. Yeah, ça fait un. Yeah, il faut que je prenne du recul, histoire de voir ce que trace mon stylo. Ce chemin encore mieux connu, mais différent selon tous les pélos. Des fois je suis perdu, je crois que j'avance souvent en reculant. Tout ça, ça me perturbe, le regard vide, assis dans mon salon. Je me cherche souvent entre deux types de rap. Et puis dans le fond, je suis le mec qui vend de gros tracks et qui veut vivre de ses sons. J'ai l'impression que trop de gens parlent et puis se foutent de moi. Tous ces bouffons verront un jour dans ma loge, je me taperai des barres dans le RER. J'observe la France d'en haut, la France en bas. De gros égos, de gros dégâts, des parano, des attentats, et puis d'en rivoir. Cher comme une arme errante, ils ont mes selles. J'fais un hommage au poteau qui rejoint beaucoup trop tôt le ciel. Mais si la vie est belle, car en chat misère et ses armes là, en fait elle veut te perdre ta richesse jusqu'au jour où elle jette. Trace l'itinéraire, la réunionnée bercée par le peur là, sur les murs des posters, voyant son blaze à l'entrée de l'Olympia. Yeah. Rappeur, artiste, poète, négro, hein. Parce que tout ce que t'entends sort de ma tête. Rome, 974, La Réunion, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr qui est la chicha électronique. Merci beaucoup, Sky. C'est le petit cadeau du freestyler de toute la semaine. Et c'est pour toi, Rome, c'est pour te mettre bien. Ça me fait plaisir. Grand merci à Skyrock. Big up, Blaco. Big up à vous aussi. Et Rise. Voilà, le projet, il s'annonce très, très, très, très lourd. Merci. On est là, on a écouté les extraits et tout. Franchement, ça fait plaisir de représenter La Réunion comme ça. Merci. Et en métropole. Et franchement, voilà. Continue, lâche pas. Et inquiète pas. À nous, arrive tranquille. Ah, mais inquiète pas pour ça. Non, il renforce à moi, ça. Il donne à moi la force. Merci à vous. 974, les deux. C'est... il est réunionné par adoption. Tu veux traduire, tu veux faire la traduction. Attends, Erez, il va te dire. Vas-y, parle un peu, dis un petit truc sympa. 974, la réunion, les dossiers. Non, les dossiers. La réunion, les dossiers. Ça y est. Merci à toi, Rome, sur tout cas. Allez, ciao. Passe une bonne soirée. Blaco avec nous, on va attaquer le live dans quelques minutes. Ok. Juste avant, préviens-les. Ouais, c'est ça. Allez. Le petit morceau sympathique. Préviens-les. Que 2015, bang. LTEC est là, laisse l'oiseau s'envoler, bang. Laisse-le chanter. Yaman! Il va pas because musique. Bang! Blaco, il est, tête où il est. Il aurait peut-être même disparu à l'heure qu'il est. Ah bon? 2014, check ça. Blaco, Rise, on l'a mis. Ils sont pas prêts à leur dire. Surprendre. Ils veulent de la vibe, je vais leur en donner. Au fait, moi c'est Blaco, oui, si tu connais. Frérot, va leur dire que j'ai gardé mon éthique. De rien n'a changé, je suis resté dans la même optique. J'essaie de rester simple, ceci n'est que la suite logique. Si je chante, je fais toujours par amour pour la musique. Ils sont pas prêts à leur dire. Je n'ai pas l'intention de renoncer. Jusqu'ici, j'ai pu tenir. Yeah, yeah. Je vais continuer à avancer, même s'il m'arrive de faiblir. Malgré les problèmes, les soucis, les blitz. J'ai toujours positivé. La partie n'est pas finie, faut continuer d'aller de l'avant. J'ai encore une dernière carte à jouer. J'allais pas laisser tout non, non, non, non, le non, chemin non, que non, j'ai non, fait. Autant aller jusqu'au bout. Qui ne tente rien à rien. Alors j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Ils sont pas très valeurs. LTEC, ouais, disponible j'ai pu tenir. Sur les plateformes de téléchargement, ouais, iTunes, Play Store. Bang. Yeah. Je ne lâche rien, va les prévenir. Et aïe, 974. Que j'abandonne, que je jette l'éponge, que je laisse tout tomber. Mesdames et messieurs, approchez, allez-y, goûtez, c'est de la bonne. Ceci est un produit de très haute qualité. Risez, balance une dinguerie, qu'on les mette d'accord. Bon, bon, on bon. Entend un bail lourd, qu'on écrase les corps. Bon, bon, on explose bon. Le truc, bien, on leur troule une bien fort. Ils sont pas prêts, ça c'est Blaco et quand ils sont pas prêts, va leur dire. Je n'ai pas l'intention de renoncer, jusqu'ici j'ai pu tenir. J'essaie de continuer à avancer, même s'il m'arrive de faiblir. Paru à leur guise, papa. 2014 Jackson. 2015. La Corée, on la met. LTEC, disponible, va le chercher. Toi-même, tu sais. Lyrics de qualité, pas de conneries à te raconter. Du rap français. Avec du reggae mélangé, laisse l'oiseau s'envoler. Hey. Ah, préviens-les qu'on est là, 2015 LTEC. Ouais. Préviens-les à l'instant, Blaco, c'est extrait c'est du EP, le temps est compté, digitalement dans les bacs. Voilà, le petit oiseau toujours disponible, LTEC, sur les plateformes de téléchargement, tout ça. Légal. Play Store, légal, bien sûr. Exactement. Et puis en tournée demain du côté de Toulon, le 7 février à Montpellier, le 20 à Lyon, le 21 à Bordeaux. Voilà. Mars, Metz. En mars à Metz, le 12 mars aussi à Grenoble, le 14 mars à Rennes, le 16 mars à Toulouse, le 19 à Paris, le 28 au printemps de Bourges, le 28 mai. Non, avril. Excusez-moi, c'est l'anniversaire. C'est normal, c'est l'anniversaire. C'est à partir de cette heure-là, l'anniversaire. Au bout d'un normal. Moment, c'est on voit que tu as le droit. Tu as... Et puis le 2 mai au pas festival de rock à Incourt. Voilà. Et bien, on peut y aller maintenant pour le live. C'est une espèce de répète avant les concerts de Blaco. Voilà. On va se faire ça doucement, tranquillement. Accroché à mes rêves, live. Laisse l'oiseau s'envoler. Écoutez. Écoute. Lève-moi un peu le son. One. Comme tout le monde, j'ai un but. Comme tout le monde, j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point. À qui c'est d'attendre? Si j'ai une bonne étoile, alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir, faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes. Mais je sais que là-haut, il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue, au moins j'aurai tout essayé. Mais d'ici là, je laisse mon cœur me... Oui. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction. Straight to the sky. C'est dicté par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Yeah. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber. Puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif. Que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves, c'est exister. Avec le sourire aux lèvres, faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser. Ou pour nous faire progresser. Tout le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit. J'attends que la tempête passe. Une éclaircie, puis je me remets en question. Et je relativise. Et je repars sur la route avec de l'espoir plein les balises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant. Je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'ils se réalisent ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. Si ça en valait. Allez tout le monde. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille. Dans le studio quoi. Allez, la foi sera mon gouvernement. Tout le monde, c'est dicté par mon esprit. rester. Le chemin est long et c'est pas facile. Reste accroché et surtout ne perds pas le fil. Je te la fais même en impro pour que tu cogites. Reste accroché à tes rêves parce que la vie va très vite. Hey, le temps est compté alors ne laisse pas passer. Alors que tu sois dans une tombe et qu'on te parle pas au passé, fais vite tes affaires, fais-les avec le cœur. Pour tes sœurs, pour tes frères, pour ton père, pour ta mère. Fais-le avec le cœur et tu le sais, ça se passera pour le mieux. Et pour te rassurer, regarde le soleil ou les cieux. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail, je prendrai la direction. Je sais ce que me réserve le destin. Trust me. Alright. C'est ça. En live and direct. À l'instant, ah, c'est en que live. Du live et que du direct. Hein. Avec un peu une fin de grippe, mais on s'est agrippé quand même. Ça fait plaisir, attends. Voilà. On s'est lâché, on y va toujours. Le temps est compté à l'instant. C'est Blanco, right. Notre invité, entre 20 et 21. Et avec ce morceau en live. Est compté à l'instant. Risé quand même. Pour le live, Risé, ou t'as encore du carburant Risé, il a un petit air de Jamaïque des fois. Hein. C'est vrai. J'ai entendu quelques relances. Ouais, derrière, quelques vibes vite fait, tu connais. On attend l'album. On attend l'album Made in Jamaica. Non, je sais pas, il y avait peut-être quelqu'un qui voulait freestyler aussi, Jazzy, non. Ben mets une autre instru, alors moi je m'en fous. Comme moi. Tu veux, hein, En plus c'est mon anniversaire. C'est pour ça, c'est ton anniversaire. Allez, donc. Et moi les gens, enfin ceux qui me connaissent bien, ils savent l'impro, c'est j'aime bien. C'est ce que donc, tu parler aimes. De mon anniversaire, c'est oh bien. Là là. C'est sans filet, frère, on sait même pas, t'as vu, c'est comme un saut élastique, mais tu sais pas si l'élastique est résistant. Sans filet, est-ce que tu peux nous balancer quelque chose? Ah oui. Oh, ça, c'est cet instru là en plus, tu es audacieux. Tu es audacieux. Parce que moi je suis un papa et en plus me fais vieux. Faut que je fasse les choses bien avant d'atterrir aux cieux. Oh, je te jure que je suis en guerre avec ta coco. Ah, croyez-moi. Pour ça je pourrais devenir un papa loco. Trop de trucs à payer, les impôts fonciers, impôts locaux. Moi c'est ma culture, riz, sauce à loco. Je t'emmerde avec ta coco. Dégage. Moi je t'emmerde avec ta coco. Donne ça à l'une de mes filles, plus tard tu verras ce que je te ferai, mon frelot. Freestyle, impro, c'est pas écrit, je m'en balais. Ça parle de poudre, ok ça en fait la vente. Qu'est-ce qui se passe? Je te m'en présente. Ce monde de fou qui me hante. Allez, on peut tout déballer. Le chétan s'est calé, il s'est assis. On est tous en train de payer une facture salée. Tu me parles de cocaïne, mais moi je suis papa. Tu viens d'Amérique, vermine, je t'emmerde, moi je ne t'aime pas. Tu comprends pas mon texte, je reste dans mon contexte, enfoiré. Tu vois ce que je veux dire, je suis un sniper, je ne rate pas ma cible. Tu ne peux pas tester un, bois. Mais je t'emmerde avec ta coco. Blah. Je t'emmerde avec ta coco. Mets ça dans la poche de mes yeux, tu verras que je serai un papa loco. Africa dans le cœur, ri. Loco. J'aime freestyler, prendre le beat et le tailler. Je devais parler de mon anniversaire, mais c'est ce son qui m'a fait un peu trop parler. Ok, les bougies sont soufflées. 36, punaise, ça passe vite. Fils, fille, putain, les enfants arrivent, faut que je réagisse. Let's go! Je te jure que je t'emmerde avec ta coco. Tonton, rends-toi ta noix de coco. Tu dis que de la merde, moi je plane comme un hélico. En utilisant mon cerveau. Ok, tu me parleras de coco et après de quoi? De cocaïne, d'héroïne, d'MDMA. Toutes ces merdes, moi je les aime pas. Parce que ça peut détruire les petits frères. Ça peut les emmener 6 pieds sous terre. Toi t'es qu'un rite, on a peut-être rien à faire. Ta gueule avec ton cerveau, serpillière. Allez, trace vite ta route. Parce que moi tu sais qu'en freestyle, les gars comme toi, vite fait, je les déroute. Allez, j'ai même pas besoin d'écrire, je te jure que je suis endiablé. Non, jamais endiablé, j'ai posé. Tranquillement, je te jure, mais les connards comme lui, j'aimerais tous les exploser. Moi je t'emmerde avec la coco. Je t'emmerde. Yeah. Moi je t'emmerde avec ta coco. Vive loin là-bas. Je pourrais devenir un papa loco. Afrique, y'a du riz et un loco. Le freestyle, il va se terminer. Hey, voilà, même tu roules ça. c'est même pas écrit. Ah, lourd. Eh, je tenais à dire, c'est que du freestyle là. C'est de l'impro, c'est en filet, frère. Eh, Fred. Incroyable. C'est pas genre, c'est des textes. Y'a pas de portable, je suis en train de lire, tu vois. Non. Moi, je ferais bien le remix. Otis Genesis versus Blacko. Après, Noa Louche, ils vont arriver. Je connais pas le gars, mais je trouve c'est dangereux, tu vois, que ça rebondit sur les jeunes dans des clubs. Tu vois, les jeunes, ils sont là, ils dansent dessus, ils chantent le truc. Mais on danse dessus. On peut. Ouais, mais moi, j'essaie de pas comprendre. Mais je me dis qu'il parle de la noix de coco. On peut comprendre la noix de coco, dessus. Voilà. On danse en vrai, voilà. Il adore le fond noix de coco. Voilà. On peut comprendre ça aussi, mais c'est justifié au T-Genesis. Hein. J'ai vu 2-3 interviews, il disait, ouais, je prône pas ça, c'est du divertissement, machin, etc. Ouais, si ça, c'est un divertissement. C'est comme un film, c'est comme quand je regarde un film, etc. Bon. On en pense qu'on veut. C'est une matrixerie. Ouais, exactement. Tu vois, dans le film Matrix, quand ils sont restés tous en l'air. Bah écoute, ils sont restés en l'air. Ah, vous n'êtes pas descendu, vous, slow motion très lente. Voilà. Bon, en tout cas, la réponse était la soirée de Planet Rap avec Blacko. Et je tenais à faire un gros big up à Natty Boss qui est là ce soir. Hey, tu vois. Ça fait des années que tu vois, on se connaît. Il a traîné avec vous. Vous êtes connu très petit. Bah, on était très, tout, très, très, très, très petit. Viens prendre un peu le micro, Natty Boss. Natty a plus grandi que toi d'ailleurs. Non, mais lui, ouais. Moi, je suis un jeune DJ show, petit. Lui, il lourd le freestyle, grand. Bang bang. Merci. Non, big up à Natty qui a fait l'album qui arrive là avec Joey Star. Ouais, avec le Jaguar. Dandy Flow. Voilà. Natty, Tuco Gang, ça la DMC Shit, ça arrive, Cantiz voilà. Et compagnie. Natty Boss. C'est quoi, tu représentes quel quartier toi? Explique un petit peu. Moi, je représente tout ce qui se passe dans ma tête. Manègue, ça vient de Saint-Ouen. Voilà. Ça vient de partout. Guadeloupe, Gosier, derrière l'église, okay. Pour ceux qui connaissent. Les mecs de Madinina aussi. Je veux dire ou pas. Eh ben, merci Natty. Merci à vous pour ce moment, c'était bien sympathique. Et on t'emmerde avec ta coco. Et à deux. Et merci à vous, en tout cas, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la superstar US Nicki Minaj en concert avec ta radio préférée. Avec Nassima de la Boisse dans le 01. Comment ça va, Nassima? Salut, ça va et vous? Bienvenue, salut Blacko. Je te présente Blacko. Salut. Mais a priori, tu connais Nassima. Blacko est là avec nous. On est là, on est là. Semaine. Tu vas bien? Oui, la super flow, j'aime bien. Ça va, merci vous. All right, cool. Merci d'être là. Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? Oui, prête. Allez, continue. C'est parti. Let's go. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et le concert de Nicki Minaj. Merci beaucoup. En ce moment, il tombe beaucoup. C'est 2 places pour aller voir Nicki le 25 mars. Merci beaucoup, Sky, vous déchirez. Eh ben, c'est voilà. Pas grave. Merci, c'est super. C'est mon anniversaire, mais c'est ton anniversaire aussi. Et aussi, voilà. C'est l'anniversaire de Nassima. Je sais pas si c'est ben, pour son anniversaire. Beaucoup, quoi, pour son anniversaire, déchirez, on va merci. Tous venir avec toi voir Nicki Minaj. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est 3 jours. Ça, avant ça, Fred, mon va nous donner un peu de place. Elle aussi, elle est dangereuse aussi. Attends, t'iras pas avec Blacko en tout cas. Non, elle a des super instrus, elle a des flows terribles. Après, j'essaye de, tu vois, j'aime bien les trucs audibles, tu vois, qui est pour rimer avec tes... Bon, alors voilà, lui restera chez lui, moi je viens là. Et donc... Nassima, en tout cas, bon concert, on te fait plein de bisous, passe une bonne soirée. Ouais, bah merci beaucoup, bisous à vous. Ciao, bye. Ciao. Merci à vous pour cette belle soirée d'anniversaire pour Blacko, qu'on peut applaudir une fois. Bravo, bravo, bravo, on s'applaudit tous. Yes, merci. Joyeux anniversaire à toi, Infatius Blacko. Et merci demain, encore. Pour la dernière, tu seras là dans Planet Rap entre 20 et 21, à pas louper. Tu voilà. Connais. Avec l'équipe qui sera là aussi. On voilà, salue Jazzy Rai. Des trucs, des surprises. Bah, surprise des demain, trucs. Entre 20 et 21. Bang, bang, bang. Merci à vous tous. On va retrouver D-Fool maintenant. C'est parti. C'est l'heure de la radio libre sur oui. Skyrock. Oui. Ciao, Fredo. Yeah, ciao. Fredo, salut, Blacko. Et bon anniversaire, Blacko. Happy birthday. Happy birthday. Il est le même jour que Nabila. Et ça, c'est quand même la classe. C'est la classe. Ah ouais? Oui, super. Ah merde. Ah bah, c'est les choses qui arrivent. Désolé. On choisit pas. C'est sûr. Exactement. Bon, on est parti jusqu'à minuit, nous. Hein. Ça y est, c'est parti. La grosse soirée. Jeudi soir. Demain soir, à pas louper. 20h, 21h. Toi, Fredo. Blacko aussi. Le retour, le feu d'artifice. Et la dernière de la semaine pour Blacko. Donc, soyez là. 20h, 21h. Pour bien terminer la semaine. Et pour bien terminer jeudi, nous on arrive, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Vous avez entendu la magnifique voix de la Marie qui est. Oui, je suis de retour. Et ça va fait, mieux. Et ça fait ouais, mieux. Ça va mieux, je te remercie. Putain, je suis contente. C'est bien, Marie. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé la pêche. Grand retour ce soir, donc profitez-en. Et puis profitez de toute l'équipe qui arrive. 01 53 40 30 20 pour nous appeler dès maintenant si vous voulez passer dans l'émission. Et le son qui arrive, Fredo, c'est. C'est. C'est. C'est. C'est. C'est. Bah alors. C'est. Écoute bien. Dur. Voilà, ah, dur. Quand même. Je croyais que j'allais galérer. Ouais, moi aussi, je suis qu'est-ce qu'il fout. Mais je vous ai fait un petit peu. Languir. Patienter, languir. Voilà, languir. Je vous rappelle que jusqu'à demain soir, vous gagnez si vous passez dans l'émission les fringues gradures, hein, le bob, les t-shirts, les fringues Chegué Squad, mais Chegué. Oui, à choper ce soir pour vous, avant minuit. Le problème du mois, retrouver aussi toutes les games qui arrivent. Et donc, gradure pour démarrer cette soirée. Tout de suite, c'est un très bon choix. Jamais, c'est bien. Hein. Ah, c'est un très bon choix pour commencer. Et c'est quand le Planète Rap gradure? C'est dans, pas la semaine prochaine, celle d'après. D'accord, pas la semaine prochaine, celle d'après. Voilà. Juste avant que l'album sorte juste dans les bacs. Juste avant le 23 février, l'homme au bob. Ouais, 23 février, à pas louper. Et l'homme au bob. J'ai vu qu'il y a déjà numéro 1 des téléchargements, là, en précommande. Oui, j'ai entendu que t'en parlais ce matin dans l'émission. Ouais. Numéro 1 des téléchargements. Déjà, gradure, l'homme au bob et un extrait de l'album que vous avez découvert sur Skyrock. C'est parti pour jamais. C'est le son qui arrive tout de suite. Merci Fred, à demain. Ciao, à demain. Ciao. Et à tout de suite, on arrive. Tous les matins.